Chapitre 356. L'interdiction du gaspillage. 1781. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Allah ta'ala agrée de votre part trois choses et en désapprouve trois autres. Il agrée que vous l'adoriez seul sans rien lui associer dans votre adoration, que vous vous attachiez fermement au livre d'Allah, littéralement à la corde d'Allah, et que vous ne vous divisiez pas. Et il désapprouve les on-dit, l'excès de questions et le gaspillage. » Muslim. 1782. D'après Warrad, le scribe d'Al-Mughira ibn Shu'ba, Al-Mughira lui dicta une lettre à l'intention de Muawiyah, dans laquelle il mentionna que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, après chaque prière obligatoire, disait « Il n'y a pas de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, unique et sans associé. À lui la royauté, la louange, et il est capable de toute chose. Ô Allah, nul ne peut retenir ce que tu donnes, ni accorder ce que tu retiens. Et la richesse ou le rang ne sont d'aucune utilité devant toi. La ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Puis il ajouta que le prophète alayhi salatu wassalam interdisait les on-dit, le gaspillage et de poser trop de questions, de même qu'il défendait de désobéir aux mères, d'enterrer les filles vivantes et de réclamer plus que l'on ne donne soi-même. Al-Bukhari et Muslim.